Le colonel Gaspar Baratouza s'exprimait au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Un taxi motard du nom de Habyarimana Jean Bosco est mort dans la soirée de ce mercredi suite à une balle qu'il a reçue dans la tête de la part de deux personnes qu'il transportait. Ce crime a eu lieu au quartier Mouchacha de la ville de Gitega. Le président de la Motabo à Gitega demande aux motards de rentrer très tôt et de ne transporter que des personnes qu'ils connaissent pendant la soirée. La police indique que les enquêtes sont en cours. De Gitega, nous appelons notre correspondant Arthur Kavaouchi. Selon les informations en provenance de ceux qui étaient avec le défunt, il était vers 19h lorsqu'il a reçu un appel d'une personne lui demandant d'aller le prendre. À ce moment, le défunt se trouvait dans un endroit communément appelé place et il est parti sur le champ. Le président de la Motabou à Gitega, Jadon Zitunga, dit que vers 18h40, il a été mis au courant qu'il a été tué au quartier Mouchacha de la ville de Gitega, tout près du village d'enfants SOS, et qu'il a reçu une balle dans la tête de la part de deux individus non encore connus et qu'il transportait. Les deux individus l'ont laissé sur place et lui ont volé la moto ainsi que tout l'argent qu'il avait gagné. Jadon Zitunga demande au motard de rentrer très tôt, surtout durant cette période de fin d'année, et de ne transporter que les gens qu'ils connaissent, surtout pendant la soirée. Il leur demande également de respecter l'heure de travail convenue, c'est-à-dire 19h. Les informations en provenance de la police à Gitega disent qu'ils ont trouvé le défunt encore vivant et qu'ils l'ont vite emmené à l'hôpital régional de Gitega, mais qu'il est mort après car il était grièvement blessé. Les mêmes informations affirment que les enquêtes sont en cours afin de traquer les malfaiteurs et de les punir. Le défunt était originaire de la colline de Wugera, commune Ndava de la province de Mwaro. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et plus de 200 familles qui habitaient le site de Tcharama, en commune Nangwa de la mairie de Bujumbura, en ont été expulsées le matin de ce jeudi. Ces familles indiquent qu'elles n'ont pas où aller et font savoir qu'elles ignorent ceux qui ont pris cette décision. Christella Nizigama. Ces familles qui vivaient à peu près 3 ans dans le site de Tchalama ont été déplacées. Ils indiquent qu'elles ont été expulsées. Certaines montaient dans des voitures de police, d'autres démontaient leur maison. Ils nous font savoir que c'est la décision du président de la République, que nous devons déguerpir et que le nouvel an ne nous retrouve pas ici. Nous préférons détruire nos maisons pour éviter de blessures éventuelles. Mais nous ne les détruisons pas parce qu'il y a eu une entente à l'amiable. Voilà que nous sommes obligés de quitter avant le verdict du procès que nous avions intenté en justice. Ils sont en train de nous déplacer. Ils nous intiment l'ordre de retourner, chacun dans sa province d'origine. Ils disent que c'est une décision du gouvernement. Nous sommes ici il y a 3 ans. Nous avons été expulsés de la place communément appelée Kumasi. Nous avons accédé ici grâce à l'ombudsman. Certaines femmes ne savent pas où sont leurs maris pour le moment. Nous allons retourner dans la rue. Qui va payer les loyers des veuves? La rue dans laquelle ils allaient vouloir nous empêcher d'y aller, c'est celle où nous allons retourner. Nous regrettons en tant que citoyens d'être chassés de telle manière alors que nous nous sommes tous prononcés pour la bonne gouvernance. Nous demandons au président de la République de résoudre en sa personne ce problème qui nous fait mal. Ces familles indiquent qu'elles n'ont pas où aller. Même les kits de nourriture qu'on leur a donnés sont insuffisants. On nous a donné 7 kilos de haricots et 7 kilos de riz. Je ne peux pas comprendre parce que nous sommes une famille de 9 personnes. Ces 7 kilos sont insuffisants. Ils viennent de nous expulser dans la rue. D'autres inquiétudes résident au niveau de la scolarité de leurs enfants. Nous avons des enfants ici. On avait décidé d'envoyer les enfants à l'école pour ne pas les laisser dans la rue. Mais voilà, ils les empêchent de continuer les études. Ils vont retourner dans la rue. Tous les enfants étaient à l'école. Le ministre de l'Éducation avait demandé des places pour nos enfants pour qu'ils aillent à l'école. Nos enfants sont expulsés de l'école sans même nous donner des bulletins pour que nous puissions leur chercher des places ailleurs, là où nous allons loger